السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله. On recommence ou on continue dans ce que l'on avait débuté il y a quelque temps de cela. On s'était interrompu quelque temps. On fait maintenant quelques semaines. Et alhamdoulillah, on a l'occasion donc de recommencer aujourd'hui ou de continuer dans la lecture et l'explication du livre Ad-Durus al-Muhimma du Cheikh Ibn Baz. Autrement dit, les leçons importantes. Les leçons importantes du Cheikh Ibn Baz. Rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans ce livre-là, donc, le Cheikh, l'auteur, Rahmatullahi alayhi, avait abordé plusieurs points importants de la religion, plusieurs points fondamentaux. Il avait donc commencé par la base du livre, la base du Coran, Al-Fatiha, la sourate d'Al-Fatiha, en incitant donc à la mémoriser et également à parfaire sa lecture et sa récitation et à en connaître les sens. Puis il avait parlé des bases du dogme islamique. Ainsi, il avait parlé de l'attestation que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Naam. C'est ainsi qu'il avait énuméré les conditions de l'attestation de foi, les conditions de la ilaha illallah, ainsi que les implications de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Naam. Ensuite, il avait abordé les piliers de la foi, les six piliers de la foi qui ont été mentionnés dans le hadith, le célèbre hadith de Jibril alayhi salam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, alors qu'il l'avait questionné à propos de la foi, et il lui a dit, la foi c'est que tu crois à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et au destin qu'il soit favorable ou défavorable. Et ça avait été l'occasion donc de développer quelque peu l'explication de chacun de ces piliers, de ces six piliers de la foi. Également, nous avions vu les catégories de tawhid, le tawhid de la seigneurie, le tawhid des noms et des attributs, et le tawhid de l'adoration. Et l'inverse de cela, les types de polythéisme. Les types de polythéisme, le polythéisme majeur, le polythéisme mineur, et le polythéisme caché, al-shirk al-khafi. Puis les piliers de l'islam. Et c'était là la leçon numéro 5. Les piliers de l'islam qui sont au nombre de 5. Ensuite, il y avait eu la partie liée aux adorations, aux bases de l'adoration, des adorations. Naam. À savoir donc les adorations journalières, la prière, qui constitue le deuxième pilier de l'islam. Nous avions donc vu les conditions de la prière, ainsi que les piliers de la prière. Les conditions ont donc été au nombre de 9, les piliers au nombre de 14, puis les obligations, qui étaient au nombre de 8. Naam, les obligations de la prière. Ensuite, nous avions vu la formule de tashahhud. La formule de tashahhud, on s'était quelque peu arrêté sur cela, en l'expliquant brièvement. Et en incitant donc à mémoriser, lorsque ce n'est pas le cas, la formule du tashahhud. La leçon numéro 10 concernait les actes surérogatoires de la prière. As-sunan. La leçon numéro 11, les actes annulatifs de la prière, qui étaient au nombre de 8. Nous avions ainsi cité le fait de parler volontairement, le fait de rire, de manger, de boire, le dévoilement de ce qu'il nous est demandé de cacher durant la prière, la aura, le fait de dévier complètement de la direction de la qibla, le fait de s'agiter démesurément continuellement en prière, et le fait de perdre sa pureté rituelle. Et aujourd'hui, donc, on va aborder, après avoir parlé de la prière, on va aborder cette 12e leçon qui concerne la clé de la prière, à savoir la purification. À savoir la purification. Naam. Et le shir, l'auteur, rahimahullah, qu'Allah lui fasse ample miséricorde, a dit donc les conditions des ablutions. Les conditions de validité des ablutions, et donc toujours on se base sur la traduction qui a été faite avec le commentaire qui a été traduit du Cheikh Al-Faiz. Conditions de validité des ablutions sont au nombre de 10. Premièrement, être musulman. Puis, être saint d'esprit. Troisième condition, avoir atteint l'âge de raison. Quatrième condition, le fait d'évoquer l'intention. Cinquième condition, ne pas décider d'interrompre les ablutions durant la purification. Sixième, terminer complètement tout acte annulant les ablutions. Septième, c'est nettoyer les orifices à l'aide d'eau ou de pierre, après avoir effectué ses besoins. Huitième condition, utiliser une eau pure et licite. Neuvième condition, faire disparaître tout ce qui pourrait empêcher l'eau, d'atteindre la peau. Et dixième et dernière condition, dans le cas d'une personne qui serait continuellement en état d'impureté rituelle, celle-ci doit ou se doit d'attendre l'heure de la prochaine prière pour faire ses ablutions. Et pour essayer d'expliquer, même si c'est relativement clair, d'expliquer et de revenir donc sur certains des points qui ont été cités par le shir, donc on va citer plusieurs points. Le premier point concerne les trois premières conditions. Être musulman, être saint d'esprit et avoir atteint l'âge de raison. Donc ça fait partie des conditions de validité des ablutions. Et en réalité, ces trois conditions-là, nous les avons déjà vues quand nous avons parlé des conditions de la prière. Et donc, celui qui voudrait plus de détails, il retourne donc à ce qu'on a pu voir à ce moment-là. Également, quatrièmement, le fait d'évoquer l'intention. Donc c'est comme cela que ça a été exprimé ici, donc, dans le livre, dans la traduction sur laquelle on se base. Évoquer l'intention. Et nous avions déjà vu que l'intention, sa place, c'est dans le cœur. L'intention, sa place, c'est dans le cœur. Donc, je ne sais pas ce qui est voulu par le fait d'évoquer, de dire évoquer. L'évocation. Et dans la langue française, j'avoue que je ne connais pas les implications de ce terme-là. Est-ce que ça implique forcément le fait de formuler avec la bouche? Si tel est le cas, alors le fait de dire évoquer ici n'est pas correct. Si par contre ça ne l'implique pas forcément, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal à utiliser le terme évoquer. Par contre, en attirant bien l'attention vers le fait que l'intention, sa place est dans le cœur, comme nous l'avons déjà vu, et que, en aucun cas, il ne convient de la prononcer, de la formuler avec la bouche. Naam. L'intention. Là, donc, on est en train de parler des conditions des ablutions. Une question se pose. Quelle est l'intention à avoir lorsque tu fais tes ablutions? Est-ce que tu fais les ablutions dans l'objectif d'accomplir une adoration qui requiert justement l'intention, ou est-ce que tu te contentes d'avoir l'intention d'ôter l'état d'impureté ou de faire cesser l'état d'impureté dans lequel tu te trouves. La deuxième réponse est la bonne, Incha'Allahu Ta'ala. C'est-à-dire que toi, lorsque tu fais tes ablutions, tu as l'intention de quoi ? De mettre un terme à l'état d'impureté dans lequel tu es. Et c'est ainsi qu'à partir de là, tu pourras faire toutes les adorations qui nécessitent au préalable d'avoir les ablutions. La prière, la lecture du Coran, etc. Avoir fait les ablutions une fois, donc, te suffit. Jusqu'à ce que tu perdes à nouveau les ablutions. Jusqu'à ce que tu perdes à nouveau les ablutions. Donc, l'intention à avoir lorsque tu fais tes ablutions, et c'est ce qui est visé ici, c'est le fait d'avoir l'intention de mettre un terme à l'état d'impureté dans lequel tu te trouves. Naam. Troisième point concernant la cinquième condition. Ne pas décider d'interrompre les ablutions durant la purification. À savoir donc que cette intention-là que tu as eue de mettre un terme à l'état d'impureté dans lequel tu te trouves, cette intention-là, tu te dois de la garder jusqu'à ce que tu aies terminé tes ablutions. Donc même si tu as eu l'intention de mettre un terme à l'état d'impureté dans lequel tu te trouves, et que tu as donc rempli la quatrième condition, il faut également que tu prennes en compte qu'il ne faut pas avoir l'intention d'interrompre ces ablutions avant qu'elles soient terminées. Ce qui signifie que si tu remplis la quatrième condition et que tu es en train de faire tes ablutions et que pour une raison ou une autre tu décides de mettre un terme à tes ablutions avant qu'elles soient terminées, que tu vas faire autre chose par exemple, et que tu te dis je les recommencerai plus tard, dans une heure par exemple, juste avant la prière, na'am, puis que finalement, tu reviens sur ton avis, et le temps qui s'est écoulé est minime, alors le fait que tu auras eu l'intention d'interrompre tes ablutions te rendra obligatoire le fait de recommencer tes ablutions dès le début. Et il ne te sera pas permis de continuer les ablutions à partir du moment ou du stade, en repartant du stade auquel tu t'étais arrêté. C'est clair? C'est clair? Alhamdulillah. Tayyib. Donc ça, c'était la cinquième des conditions. Et il faut bien être attentif à cette brève explication qui vient de passer, surtout quand on va voir dans la leçon qui suit concernant les obligations des ablutions, lorsqu'on va parler de Al-Mu'ala, passer d'un membre à un autre sans longue interruption, et il faudra bien faire la distinction entre ces deux cas de figure-là. Donc ici, on répète, cette cinquième condition, c'est le fait de ne pas décider d'interrompre les ablutions durant la purification. Donc ici, si la personne, elle a cette intention-là, alors à ce moment-là, il faudra qu'elle recommence ses ablutions. Et même si elle décide de les recommencer quelques instants après, quelques secondes ou peut-être une ou deux minutes après, le fait qu'elle ait eu l'intention d'interrompre ses ablutions, ça lui rend obligatoire le fait de recommencer les ablutions depuis le début. Donc, c'est l'intention ici qui a joué, le fait qu'elle ait eu l'intention d'interrompre quoi ? D'interrompre les ablutions, na'am. Quatrième point, ça concerne le sixième, ou la sixième condition. Parce que le shir a dit, terminer complètement tout acte, annulant les ablutions. Terminer complètement tout acte, annulant les ablutions. Par exemple, et comme on dit, wabil mithal, yattadihul maqal. avec un exemple, les paroles s'éclaircissent. Naam. Une personne, elle est en train de faire ses besoins. Elle est en train d'uriner. On est d'accord que le fait d'uriner, c'est quelque chose qui annule les ablutions. Naam. Pour commencer à faire ses ablutions, il faut qu'elle soit ou qu'elle ait complètement terminé d'uriner. Il faut qu'elle ait complètement terminé d'uriner. C'est-à-dire donc qu'il faut qu'elle ait terminé complètement tout acte qui annule les ablutions. Si il y a encore de l'urine qui est en train de s'écouler ou autre chose parmi ce qui annule les ablutions, alors à ce moment-là, elle ne peut pas commencer ses ablutions. Et nous avions bien dit que les conditions, ce sont des choses qui sont préalables, qui passent avant l'adoration. Elles doivent être remplies donc avant l'adoration. Donc ici, avant de commencer à faire tes ablutions, eh bien il faut que tu aies terminé complètement tout acte annulant les ablutions. Le cinquième point, c'est ça ? On est au cinquième. Non, non. On est au sixième. Compléter totalement tout acte. On est au cinquième point d'âme. Le cinquième point qui concerne la septième des conditions, à savoir se nettoyer les orifices à l'aide d'eau ou de pierre. Entre crochets, donc ils ont mis après avoir effectué ses besoins. Après avoir effectué ses besoins. Al-istijmar ou l'istinja. Faire disparaître, excusez-moi, se nettoyer les orifices à l'aide d'eau ou de pierre. Donc le fait de se nettoyer les orifices à l'aide d'eau, c'est ce qu'on appelle l'istinja. L'istinja. Ou de pierre, c'est ce qu'on appelle l'istijmar. C'est ce qu'on appelle l'istijmar. Et ici, ils ont mis entre crochets après avoir effectué ses besoins. Pourquoi ? Parce que cette condition-là, donc elle concerne la personne qui a perdu ses ablutions à cause du fait qu'elle a uriné ou qu'elle est allée au sel. Naam. Et en vérité, les pierres suffisent. Les pierres suffisent. Quelqu'un qui voudrait se contenter de se nettoyer les orifices à l'aide de pierres, cela lui suffirait. Et également, par analogie, on considère que fait partie de l'istijmar le fait d'utiliser, par exemple, des feuilles, le papier, ce qu'on appelle le papier toilette. Naam. Le papier toilette, donc ça rentre dans l'istijmar. Donc une personne, si elle veut se contenter de l'istijmar, elle le peut. Sauf si l'impureté dépasse la normale. Alors à ce moment-là, il faudra qu'elle ait recours à l'eau. Alors à ce moment-là, il faudra qu'elle ait recours à l'eau. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'istinja et l'istijmar. Sixième point qui concerne la huitième des conditions. Le sixième point donc qui concerne la huitième des conditions. L'auteur, le cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, a dit utiliser une eau pure et licite. Donc l'eau que tu vas utiliser pour faire tes ablutions, il faut qu'elle soit pure. L'eau que tu vas utiliser pour faire tes ablutions, il faut qu'elle soit pure. Et pour connaître donc les détails de l'eau, des différents types d'eau, et quand est-ce qu'elle est pure, quand est-ce qu'elle ne l'est pas, on aura l'occasion donc de l'aborder, incha'Allah, et il faut revenir donc au livre de fiqh qui sont plus détaillés que ce résumé donc qu'a écrit le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et donc l'eau, pour résumer, l'eau elle est soit pure, soit impure. Naam. Soit pure en elle-même et purifiante, naam, ce qu'on appelle tahour, elle soit pure en elle-même et purifiante, Ça, c'est le premier type d'eau. Et le deuxième type d'eau, c'est l'eau qui est impure. Donc l'eau, elle est de deux types. Et c'est important de signaler ça. Pourquoi? Parce que il y a certains ulama, parce qu'il y a une divergence dans le sujet, qui disent que l'eau, elle est de trois types. L'eau qui est pure en elle-même, mais qui n'est pas purifiante. L'eau qui est pure est purifiante. Et l'eau qui est impure. Mais ce qu'on va retenir, incha'Allah ta'ala, c'est que l'eau est de deux types. L'eau qui est pure et purifiante, tahour, et l'eau qui est impure. Et incha'Allah, on aura l'occasion d'aborder cela plus en détail, incha'Allah ta'ala, où vous aurez l'occasion, donc, dans d'autres circonstances, de l'aborder, incha'Allah ta'ala. Et il a dit, est licite. Donc, dans cette condition-là, tu retrouves deux sous-conditions, si on peut dire ça comme ça. Donc, l'eau, ça concerne l'eau, qu'elle soit pure, donc d'une part, ce qu'on vient de dire, et licite, ce qui exclut l'eau qui est illicite. Comme de l'eau, par exemple, qui aurait été volée. Quelqu'un, il s'arrête, je sais pas, il s'arrête à une station service, il n'a pas d'eau pour faire ses ablutions, et il vole une bouteille de cristalline. Son eau ici, elle est illicite. Pourquoi? Parce qu'il a volé. Naam. Et l'auteur, il a dit, il faut qu'elle soit licite. Rahimahullah ta'ala. Donc, ce qui sous-entend que, si la personne fait ses ablutions avec une eau qui est illicite, alors à ce moment-là, ses ablutions ne seront pas valides. Ça, c'est ce qu'a dit le Shir, rahimahullah ta'ala. Et dans cette question-là, concernant donc la deuxième partie de cette condition, le caractère licite de l'eau, que ce soit une condition pour la validité des ablutions, il y a une divergence chez les ulama. Il y a une divergence chez les ulama. Certains ulama, donc c'est le cas du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, sont d'avis que c'est une condition. Et que si donc elle n'est pas remplie, alors à ce moment-là, l'ablution, ou les ablutions ne sont pas valides. D'autres ulama disent non. En vérité, il n'y a pas de doute que le fait d'acquérir de l'eau de manière illicite est strictement interdit. Et que la personne qui commet cela sera coupable d'un péché. Et encourt ainsi la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il n'y a pas de doute sur cela. Par contre, ça n'a pas forcément d'incidence sur la validité des ablutions. Pourquoi? Car ils disent, en vérité, ce sont deux questions bien distinctes. Et on ne retrouve dans aucun texte, par exemple, ne faites pas les ablutions avec de l'eau illicite. Mais ce sont deux questions bien distinctes. Ce sont deux questions bien distinctes. De la même manière que le fait de se vêtir pour les hommes, le fait de se vêtir d'un habit de soie, c'est quelque chose qui est interdit, comme vous le savez. Ceux qui sont du premier avis, celui qui a soutenu le shir, l'auteur, le shir Ibn Baz, rahimahullah, ils vont dire donc quelqu'un qui fait la prière dans un habit de soie, sa prière est invalide. Et ceux qui sont du deuxième avis, ils ont dit non. Car ce sont deux questions bien distinctes. Ainsi, la personne commet un péché du fait qu'elle s'est vêtue d'un habit de soie alors que ça lui interdit. Par contre, ça ne remet pas forcément en question la validité de ses ablutions, étant donné que ce sont deux questions bien distinctes. Et ce second avis-là, c'est celui qu'on va retenir, incha'Allah ta'ala. C'est celui qu'on va retenir, incha'Allah ta'ala. À savoir le fait que la personne qui viendrait à utiliser de l'eau illicite pour faire ses ablutions commettrait un péché. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur cela, étant donné qu'elle l'a acquis de manière illicite. Par contre, ça ne remet pas en question la validité de ses ablutions. Donc, ses ablutions sont valides et elle a commis le péché d'avoir acquis cette eau de manière illicite. Wallahu a'lam. C'est clair? Tayyib. Le septième point concerne la neuvième condition. La neuvième condition, à savoir le fait de faire disparaître tout ce qui pourrait empêcher l'eau d'atteindre la peau. Tout ce qui pourrait empêcher l'eau d'atteindre la peau. Et qui s'interposerait donc entre la peau et le fait que l'eau vienne couler donc sur la peau et atteigne la peau. Non. Donc il faut au préalable, parce qu'on a dit que c'est une condition et que les conditions sont passent avant l'adoration, donc avant de commencer ces ablutions, il faut avoir enlevé ce qui viendrait s'interposer entre l'eau et la peau. C'est le cas par exemple de certaines substances comme de la peinture par exemple ou du plâtre ou autre. Mais ça ne concerne pas ce qui viendrait uniquement colorer la peau, mais qui n'empêcherait pas l'eau d'y passer. C'est le cas, par exemple, du henna, le henné. Je crois que c'est comme ça que... Le henné. Naam. Qui colore la peau, mais qui n'empêche en rien l'eau d'y passer. Donc ça, c'est la neuvième des conditions. Donc, les frères qui travaillent dans le bâtiment... qui sont surtout visés par cela, ou les bricoleurs du dimanche, et, ou des autres jours, ils font bien attention donc, avant de faire leurs ablutions. Avant de faire leurs ablutions. Et les femmes également, qui peut-être parfois se mettent des... du vernis sur les ongles. Naam. Ou toute autre chose donc, qui empêcherait l'eau d'y passer et qui serait imperméable. Qui serait imperméable. Naam. Ces 9 points sont compris? Naam. On passe au 10e. Comme par exemple ça, je devais l'enlever avant de commencer la prière. Non, c'est pas ça qu'on vise. C'est par exemple des substances qui viendraient, tu vois, être sur la peau. Naam, et qui empêcherait l'eau de passer. Et qui empêcherait l'eau de passer. Par exemple, de la peinture, ou des choses comme ça, tu vois. Des substances qui viendraient donc être sur la peau, et qui seraient imperméables, et empêcheraient l'eau donc de toucher la peau. Naam. En fait, tout ce qui est pansement, tout ça... Ça, c'est un autre sujet. On aura l'occasion de l'aborder, incha'Allah ta'ala. On aura l'occasion de l'aborder, incha'Allah ta'ala. Naam. Ça concerne justement donc comment faire les ablutions lorsque tu as un plâtre, par exemple, ou autre. Inch'Allah, on aura l'occasion de voir ça plus tard, et c'est pas ce qui est voulu ici. Naam. C'est pas ce qui est voulu ici. Naam. Si ça l'empêche de passer, il l'enlève et il le remet. Naam. Naam. Tayyib. On en est où? Non. On est à 10e condition, donc c'est le 8e point. 8e point qui concerne donc la 10e des conditions. Qui n'est autre que le fait qu'une personne qui serait continuellement en état d'impureté rituelle doive attendre l'heure de la prochaine prière pour faire ses ablutions. Donc une personne qui serait continuellement en état d'impureté rituelle, qui c'est qui est visé par cela? Qui c'est qui est visé ici? C'est par exemple la femme qui souffre de métrorragie. Naam. Ou une personne, homme ou femme, qui souffrerait d'incontinence urinaire, par exemple. Ou qui n'arriverait pas donc à contrôler, on appelle donc les flatulations, les gaz, en d'autres termes. Naam. Et donc il est continuellement en état d'impureté rituelle. Celle-ci doit attendre l'heure de la prochaine prière pour faire ses ablutions. La preuve de cela, c'est ce qui a été rapporté par Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, d'après Aisha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Fatima bint Abi Hubaysh radiallahu anha, qui souffrait de métroragie, ce qu'on appelle donc l'istihada. Donc ce sont les femmes qui, en dehors de leur période menstruelle, constatent un écoulement de sang. Constatent un écoulement de sang. Donc Fatima bint Abi Hubaysh, elle avait exposé son cas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a ordonné donc de se purifier à l'entrée de chaque plage horaire. Ce qui signifie que la personne qui serait concernée par cette dixième condition, qui rentrerait donc dans un des cas qu'on a cité tout à l'heure, si elle fait ses ablutions, par exemple, elle a fait ses ablutions pour la prière de l'Asr, et elle a accompli la prière de l'Asr. Lorsque va arriver la prière de l'Maghrib, il faut qu'elle recommence ses ablutions impérativement. Et ensuite, donc, elle fera sa prière dès le Maghreb. Donc ça, c'était la dixième condition. En attirant bien l'intention vers le danger du fait de se laisser aller aux insufflations du diable dans ce chapitre-là, dans cette question-là. Car il y a des gens qui sont des malades imaginaires. Sont des malades imaginaires. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se convaincre qu'ils font partie de ces cas de figure-là. Notamment, donc, je parle de ceux qui souffrent d'incontinence, surtout quand ça concerne les gaz. Même parfois quand ça concerne donc l'urine. Et j'utilise des termes, c'est un peu, excusez, vous m'en excusez, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honte de la vérité, c'est pour qu'on en tire donc des enseignements. Donc il ne faut pas succomber donc aux insufflations du diable qui viendraient faire penser à la personne qu'elle est continuellement en état d'impureté rituelle alors que ce n'est pas le cas. Donc là, on est en train de parler de cette dixième condition de personnes qui souffrent réellement de ces maladies-là. Quant aux autres, il faut craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne se laissent pas aller aux insufflations du diable, ce qu'on appelle al-wasawis. Ce qu'on appelle al-wasawis. Et combien de gens donc ont commencé par cela? Il faut savoir que le diable, pour faire tomber l'être humain dans la perdition, il est très patient. Dans le mal, bien sûr. Et c'est-à-dire que petit à petit, il va chercher à le faire tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Et il va utiliser pour cela plusieurs méthodes et subterfuges pour faire tomber donc l'enfant d'Adam dans la perdition. Et parfois, donc, il rentre par cette porte-là, par celle des scrupules. La personne, elle a des scrupules. Elle cherche à parfaire ses adorations. Et le diable, il utilise ces scrupules-là pour insuffler à cette personne-là ses insufflations donc mensongères. Et lui faire croire, par exemple, qu'elle n'a pas bien fait ses ablutions, donc elle refait ses ablutions. Tu n'as pas bien fait ta prière, donc elle refait sa prière. Il lui fait oublier des choses qu'elle a réellement faites. C'est pour cela donc qu'il ne faut pas succomber. Il ne faut pas succomber à cela. Donc, ici, quand on parle dans ce huitième point de cette dixième condition, on parle de personnes qui sont réellement touchées par cela. La métroragie, les femmes, l'incontinence urinaire, par exemple, ou également la personne qui sans cesse serait sujette à des gaz, à des flatulations, ou autres. Naam. Et donc c'est ainsi que se termine la brève et modeste explication de cette 12e leçon qui concerne les conditions des ablutions. Et on passe donc à la 13e. La 13e leçon qui concerne cette fois-ci les obligations des ablutions. Wajibat al-salah. Wajibat al-salah. Furud al-. Excusez-moi. Wahimt. Furud al-wudu. C'était ni le wajibat ni al-salah. C'était furud al-wudu. Les obligations des ablutions. Naam. Le shir, rahimahullah, a dit les obligations des ablutions sont au nombre de 6. Se laver le visage, l'intérieur de la bouche et du nez faisant partie du visage. Deuxièmement, se laver les bras jusqu'au coude inclus. Troisièmement, s'essuyer la tête, les oreilles. Naam. En faisant partie. S'essuyer la tête et les oreilles en faisant partie. Quatrièmement, se laver les pieds jusqu'aux chevilles incluses. Cinquièmement, respecter l'ordre du lavage des membres. Et sixièmement, passer d'un membre à un autre sans longue interruption. Sans longue interruption. Naam. Et il a également dit, et il est recommandé de répéter, donc ça, ça n'y est pas dans le commentaire, dans la version donc traduite du commentaire, ça n'y est pas. Et il est recommandé de répéter le lavage du visage, des bras et des pieds 3 fois. De même que le rinçage de la bouche et du nez, l'inspiration donc de l'eau par le nez. Et ce qui est obligatoire dans cela, c'est une seule fois. Quant au fait d'essuyer la tête, cela, concernant cela, il n'est pas recommandé de le répéter. Donc il faut le faire qu'une seule fois. Comme cela a été prouvé par les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant cette 13e leçon, les obligations des ablutions, on va aborder également plusieurs points. Le premier point, donc qui concerne les obligations des ablutions de manière générale. Elles sont basées sur, en grande partie, sur le verset des ablutions. Le verset des ablutions, il se trouve dans Sourate Al-Ma'ida. La table servie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. » Ô les croyants, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains, vos bras, jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et également, c'est mentionné dans plusieurs hadiths, notamment les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim d'après Humran. Mawla Uthman ibn Affan, qui dit avoir vu Uthman réclamer de l'eau pour accomplir ses ablutions. De l'eau pour accomplir ses ablutions, donc l'eau des ablutions. Ce qui est dans le hadith, Al-Wadou, avec une fatha sur le waou. Al-Wadou. Al-Wadou, donc, avec une fatha sur le waou, c'est l'eau que tu utilises pour les ablutions. C'est l'eau que tu as. Al-Wadou, c'est l'eau que tu utilises pour Al-Wadou, avec Dhamma sur le waou. Il en versa du récipient sur ses deux mains et les lava 3 fois. Puis il introduisit sa main droite dans l'eau, s'en gargarisa donc la bouche, en aspira, puis il expira. Puis il lava son visage à 3 reprises, ses bras jusqu'au coude à 3 reprises, puis il se passa ses mains sur la, puis il passa ses mains sur sa tête et lava 3 fois chaque pied. Puis il dit, celui qui effectue les ablutions comme je viens de le faire, puis prie 2 unités de prière sans y être déconcentré, Allah lui pardonnera les péchés qui ont précédé. Allah lui pardonnera les péchés qui ont précédé. On a retrouvé ici également dans la description de des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines des conditions ou des obligations qu'on a pu lire et qui ont été énumérées par le shir Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Second point donc qui concerne cette fois-ci la première obligation. On va donc prendre maintenant les obligations une à une. La première obligation, se laver le visage. Se laver le visage. L'intérieur de la bouche et du nez faisant partie du visage. Le visage, donc, c'est quoi? Le visage, c'est quoi? Donc, c'est à partir de, d'ici, donc. Du commencement des cheveux. Du commencement des cheveux ici, jusqu'à la fin. Excusez-moi. Parti, je suis passé à l'autre. Le commencement des cheveux ici, jusqu'au menton, naam, et également ce qui s'ensuit de la barbe, pour ceux qui en ont. Donc, à partir d'ici, jusqu'au menton, et également ce qui s'ensuit donc de la barbe. Et ça, on va le voir, incha'Allah, quand on va parler de la question de takhlil al-lihya. Le fait de passer ses mains dans la barbe. Est-ce que ça fait partie de la sunna ou pas? On va le voir, incha'Allah, dans pas longtemps. Donc ça, c'est en long. À partir d'ici, donc du début des cheveux ici, na'am, jusqu'au menton et également ce qui s'ensuit de la barbe. Na'am. Et en largeur, à partir de ce qui est avant les oreilles. Naam. D'ici donc, de là, naam, jusqu'à là. Donc les deux côtés, ici. Naam. Donc ça c'est la délimitation du visage. Naam. Sachant que, comme il a dit le shir, la bouche et le nez font partie du visage. On parle donc de l'intérieur. Pour ça que tu dois faire donc el madmada et el istinchaq. Fais de te gargariser, donc ça concerne la bouche, et d'aspirer l'eau avec le nez. D'aspirer l'eau avec le nez. En effet, tu trouves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la description qui a été faite de ses ablutions, il n'a jamais délaissé donc el madmada. Le fait de se gargariser avec l'eau et le fait d'aspirer l'eau avec le nez puis de l'expirer. Et c'est notamment ce qu'on a vu ici dans le hadith de Uthman, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Passer la main dans la barbe. Takhlil al-lihya. Qu'est-ce qu'il en est? Ça fait partie de la sunna ou pas? L'imam Abu Daoud, rahimahullah, il a rapporté dans ses sunan un hadith de Anas radiyallahu an, un hadith de Anas qu'Allah l'agré, qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait ses ablutions, il prenait de l'eau dans le creux de sa main et il le mettait donc littéralement donc sous son palais. Ce qui est voulu donc c'est ici. Là, naam, sous le menton ici, là. Et passait ses doigts dans sa barbe et disait, c'est comme cela que m'a enseigné le Seigneur que j'adore, Azza wa Jal. Donc ici, c'est le fait de le passer, donc tu prends de l'eau dans le creux de ta main, de l'eau dans le creux de ta main, et donc de le mettre ici, naam, et de passer les doigts comme ça, dans la barbe. Hakada. Donc comme ça, Maalish, là, Donc ici, donc tu mets dans le creux de ta main, là tu le fais, tu mets l'eau ici, et ensuite donc de passer ce qu'on appelle takhlil al-lihya, et tu fais passer donc tes doigts dans la barbe. Naam. Donc, c'est mentionné ce hadith. Et ce hadith, donc, c'est un hadith qui est fiable. Comme l'a dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans son livre, Irwa al-Ghalil. Irwa al-Ghalil, que je vous ai cité à plusieurs reprises, et donc, que je vous ai amené ici pour vous le montrer, c'est important de connaître les livres des ulama de l'islam. Irwa al-Ghalil. Donc, ça, c'est le premier tome, premier volume, donc il y en a 9. 8, et le 9e, c'est le sommaire. Non. Donc tu as en tout 9 tomes. Qu'est-ce qu'il a fait donc le shir? Je l'avais déjà dit, mais ma'alish, je le répète, at-takrar yu'allimu al-abrar. Le fait de répéter ça, c'est un enseignement pour les pieux et les braves. Dedans, il a pris ce livre-là, Manar al-Sabil. Manar al-Sabil, donc qui est, pour cette édition-là, en tout cas de Al-Maktab al-Islami, l'ancienne édition, parce qu'il y a eu une nouvelle qui est un seul gros volume. Donc la première édition. Bah, celle-là, c'est la 6e. Mais je pense que c'était le cas aussi de la première. Non. Al-Muhim, les premières éditions, elles étaient en 2 volumes. Non. Ce livre-là, Manar al-Sabil, c'est le commentaire d'un livre de fiqh qui s'appelle Dalil al-Talib. C'est un fiqh selon le rite de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et comme vous le savez, donc, les 4 imams qui sont connus, il y avait donc Abu Hanifa, il y avait Malik, il y avait Shafi'i, et il y avait donc l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et donc il y a des livres qui ont été écrits dans chacun de ces différents rites-là, ou de ces différentes écoles, ou de ces différentes écoles du fiqh. Parmi ces livres-là, donc il y a Dalil al-Talib, qui est un résumé. Ce livre-là, donc il ne cite pas forcément les preuves tiré du Coran et de la Sunna, sauf de temps en temps. Et dans le commentaire, l'auteur du commentaire, le commentateur de ce livre, donc l'auteur de Manar al-Sabil, il est venu et il a exposé les preuves du Coran et de la Sunna, des paroles des Sahaba ou autres types de preuves. Il y en avait déjà vu donc les différents types de preuves, et il les a exposées. Et en même temps, donc il a expliqué le livre. Donc on se retrouve dans ce livre qui s'appelle donc Manar al-Sabil. On se retrouve avec un grand nombre de textes du Coran et de la Sunna, et un grand nombre de hadiths. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans son livre Irwa al-Ghalil, fi takhrij ahadith Manar al-Sabil, il a pris donc la grande majorité des hadiths qui ont été cités dans le livre Manar al-Sabil, et il les a sortis de ses références. C'est-à-dire, il est allé chercher, voilà, tel hadith. Il a été rapporté par qui? Parmi les savants du hadith qui ont écrit dans le hadith et qui ont recensé les hadiths. Et donc, il te cite ça. Et également, il a étudié les différentes chaînes de transmission de ces hadiths. Puisque vous le savez, le hadith, il est composé de quoi? D'une chaîne de transmission et d'un texte. Il a étudié donc les différentes chaînes de transmission et leurs textes pour en arriver à quoi? Pour en arriver au degré d'authenticité du hadith. À dire, est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est faible? Et donc, il a exposé tout cela dans ce livre, Irwa al-Ghalil, donc en 9 volumes. Donc c'est ça, le livre, donc Irwa al-Ghalil. Et dans Irwa al-Ghalil, donc le shir, il a dit que ce hadith, il était fiable, et il a même dit à la fin, donc il n'est pas à exclure qu'il soit carrément authentique. Donc fiable, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on le prend en compte, mais il y a encore un degré supérieur à cela, et ce degré c'est quoi? C'est le degré de l'authenticité. Sahih, fiable c'est hasan, et sahih c'est, et authentique c'est sahih. Naam. Et donc il a dit, il n'est pas exclu qu'il soit sahih. Le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, qui est en train depuis quelque temps de commenter ce livre Manar al-Sabil, na'am, il a dit dans son commentaire que le fait de passer les doigts dans la barbe pendant les ablutions, donc takhrir al-lihya, il a dit donc, en se basant sur ce hadith-là, rapporté par Abu Daoud, d'ailleurs le Cheikh Mohammed ibn Hadi fait partie des plus grands spécialistes, des plus grands savants spécialistes actuellement concernant le livre Sunan Abi Daoud. Et il a dit donc que c'est une sunna de faire cela, mais de temps en temps. De temps en temps, c'est-à-dire pas tout le temps. Et il a attribué cela à Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad, qui est un livre qui est à la base d'une biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Ibn al-Qayyim a tiré énormément d'enseignements des différentes étapes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc à la fois un livre biographique qui concerne donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est également un livre de fiqh duquel donc il a tiré énormément d'enseignements en termes de fiqh. Et en vérité, ce livre, il contient également énormément de sciences diverses. Qu'Allah fasse miséricorde aux ulama de la sunna. C'était donc le second point qui concernait la première des conditions. Le troisième point concerne la seconde, obligation. Le troisième point concerne la seconde obligation, qui est le fait de se laver les bras jusqu'au coude inclus. Se laver les bras jusqu'au coude inclus. Et quand on dit se laver les bras jusqu'au coude inclus, c'est-à-dire à partir d'ici, donc le bout des doigts, jusqu'au coude inclus. Naam. Et il ne faut pas oublier les mains. Car certaines personnes, elles se trompent dans ce sujet-là. Et du fait qu'elles se sont lavées les mains au début des ablutions, elles pensent que quand on dit que fait partie des obligations des ablutions le fait de se laver les bras jusqu'au coude, ils pensent que ça commence au poignet. Alors que ça commence bien à partir d'ici. Donc, la main est incluse. Jusqu'au coude inclus. Et on avait déjà vu tout à l'heure dans le hadith, dans le verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuha alladhina amanu, idha qumtum ila salah, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. » Et vos bras jusqu'au coude. Et vos bras jusqu'au coude. C'est à ce titre-là que le commentateur a dit, Cheikh Al-Faiz, il a dit, il est donc obligatoire de se laver les coudes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les lavait durant ses ablutions. Donc les coudes sont inclus. Naam. Quatrième point qui concerne la troisième des obligations, le fait de s'essuyer la tête, les oreilles en faisant partie. Le fait de s'essuyer la tête, les oreilles, en faisant partie. Comme ça a été cité tout à l'heure. Et ici, donc, c'est bien s'essuyer. Et ce n'est pas le terme « rousl » qui est utilisé. « Rousl » qui a été traduit par « laver ». Ici, donc, c'est le terme « mash » qui a été utilisé. C'est-à-dire que tu dois donc essuyer. C'est-à-dire passer. Quand on dit essuyer, ce n'est pas prendre une serviette et s'essuyer la tête, non. Quand on dit essuyer, c'est que tu as encore les mains mouillées, na'am, et tu essuies donc, et tu passes donc de ici, partir de là, donc sur la tête, jusqu'à l'autre côté, et ensuite tu reviens, na'am. Et comme cela a été rapporté dans un hadith de Ibn Majah, d'après Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les oreilles font partie de la tête. Les oreilles font partie de la tête dans le sens où elles sont concernées par le fait de les essuyer quand tu fais tes ablutions. Quand tu fais tes ablutions. Naam. Cinquième point qui concerne la quatrième des obligations. Je rajouterai juste concernant l'obligation qui vient de précéder, donc qui concerne la tête, que pour les femmes, par exemple, ou pour une personne qui aurait les cheveux longs, naam, ce qui lui est demandé, donc c'est jusqu'à, c'est la tête, et c'est pas plus loin. Donc les cheveux qui dépassent, il n'est pas demandé donc de les essuyer, de faire le mettre dessus. Donc c'est bel et bien la tête, comme on vient de le définir. Naam, donc la cinquième ou la quatrième des obligations, c'est le fait de se laver les pieds, chevilles incluses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Naam, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et là, c'est pareil. Barakallahu fik. Les chevilles sont incluses, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand on a parlé des coudes concernant les bras. Là, donc, se laver les pieds jusqu'aux chevilles, et les chevilles sont incluses. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Sixième point qui concerne la cinquième obligation. C'est le fait de respecter l'ordre du lavage des membres. C'est ce qu'on appelle le tartib. C'est ce qu'on appelle at-tartib, le fait de respecter l'ordre de lavage des membres. Le commentateur ici, le Cheikh Al-Faiz, il a dit, en effet, Allah a mentionné les étapes des ablutions de façon ordonnée. Tu le remarques, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuha alladhina amanu, idha qumtu min as-salah, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum min al-marafiq, wa msahu bi ru'usikum, wa arujulakum, il a le Ka'bayn. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous apprêtez à faire la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Il a inséré une étape d'essuiement, la tête, entre deux étapes de lavement, les bras et les pieds, et a ainsi séparé deux étapes analogues, le seul but étant de souligner l'importance du respect de l'ordre de lavage. Ce qui signifie que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, ici donc c'est le lavement qui est visé. Et on avait vu la distinction entre le ghusl, le lavement, et al-mash, le simple fait d'essuyer ou de passer les mains, donc en l'occurrence ici sur la tête. Donc il a parlé de lavement. Puis il a fait mention du fait de passer les mains mouillées, donc de l'essuiement. Puis il est revenu au lavement en disant, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Le fait qu'il ait fait cette interruption et qu'il ait séparé les membres qui doivent subir donc, entre guillemets, la même chose, à savoir le lavement, et qu'il ait mis au milieu un membre qui doit être essuyé, ça prouve bien qu'il y a un ordre à respecter. Ça prouve bien qu'il y a un ordre à respecter. Et il y a également donc une preuve d'ordre linguistique dans ce verset, mais ça nécessiterait du temps pour l'expliquer en français, étant donné donc que c'est un enseignement qui est lié donc à la langue arabe. Et donc j'incite les frères donc arabophones ou qui sont en train de le devenir, de revenir aux explications des ulama concernant cela. Puis le shir, donc le commentateur, a dit en outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait ses ablutions selon cet ordre, ses paroles et ses actes étant des éléments explicatifs du Coran. Ses paroles et ses actes étant des éléments explicatifs du Coran. Septième point, je pense que ce sera le dernier, concerne la sixième obligation, à savoir le fait de passer d'un membre à un autre sans longue interruption, à savoir donc al-muwala. Al-muwala, le fait de passer d'un membre à l'autre sans longue interruption. Et cette sixième obligation-là, j'y ai fait référence tout à l'heure, quand on a parlé d'une des conditions des ablutions, à savoir le fait de ne pas décider d'interrompre les ablutions durant la purification. Le commentateur a dit, c'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre que le membre lavé sèche pour passer à l'autre. On ne doit pas attendre que le membre lavé sèche pour passer à l'autre. La preuve à ce sujet réside dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le législateur qui clarifie pour sa communauté les règles religieuses. Or, tous ceux qui ont décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont affirmé qu'il les effectuait sans interruption. Ce qui signifie que lorsque tu fais tes ablutions, il ne faut pas qu'entre chaque membre, il y ait une interruption qui soit assez longue pour que le membre qui vient d'être lavé ait déjà séché. Auquel cas, il faudrait recommencer les ablutions. Parmi les preuves qui peuvent être avancées également concernant cela, il y a le hadith rapporté par Muslim d'après Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne qui faisait sa prière et il a vu sur son pied l'équivalent d'un ongle qui n'avait pas été touché par l'eau. L'équivalent d'un ongle qui n'avait pas été touché par l'eau. Donc ça veut dire que les ablutions donc, n'étaient pas complètes. L'eau n'avait pas atteint donc tout ce qu'elle aurait dû atteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, retourne et va parfaire tes ablutions. Retourne et va parfaire tes ablutions. La preuve dans ce hadith, elle réside dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si al-muwala, le fait de passer d'un membre à l'autre sans longue interruption, n'était pas une obligation, eh bien il aurait tout simplement dit, va et lave l'endroit qui n'a pas été touché par l'eau. Mais au lieu de cela, il lui a dit, retourne et va parfaire tes ablutions. Dans une autre version du hadith, rapporté par un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a fait retourner et il lui a ordonné de recommencer les ablutions et la prière. Si donc ce n'était pas une obligation que de passer d'un membre à l'autre sans longue interruption, il aurait suffi de dire lave l'endroit qui n'a pas été touché par l'eau. Or il ne l'a pas fait, ce qui prouve bien que al-muwala, c'est une obligation parmi les obligations des ablutions. Et c'est ainsi que se termine donc la brève explication de ces deux leçons, la leçon 12 et la leçon 13, concernant les conditions et les obligations